et leur plumeur. Oui, j'aime les s'il ne veut pas entrer par

Thank you.

vin, ardente flamme, Vénus Adonis, gloire à vous. Le feu brûlant refait les âmes, hélas, feu. Amoureuse, est-il bête? les gagner le petit boulot de dit qu'il s'agit pas d'y voler. Il y en a pas assez pour les gagner le petit boulot de dit qu'il s'agit pas d'y voler. Il y en a pas, il y en a pas, non. Thank you.